Ndikomanyanga. Rukwiman de l'autre côté de la vitrine et bienvenue à cette édition dont voici d'abord le sommaire. Le président du Sénat burundais demande à l'État, via le ministère en charge de l'agriculture, de multiplier les usines de transformation des produits agricoles pour avoir des devises. Propos tenus ce vendredi lors des cérémonies de clôture de la session parlementaire ordinaire de décembre 2024. L'Association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale, les ACEAC, dénonce les idéologies meurtrières véhiculées dans la région des Grands Lacs avec la crise en RDC et trouve que des enquêtes devraient être menées en ce qui concerne les allégations des crimes déjà commis et notamment le génocide. Dans un communiqué que la CEAC a rendu public le 26 février de l'année en cours, elle condamne les atrocités qui causent notamment des pertes en vies humaines en RDC. Réouverture au cours de cette semaine du marché de gros bétail qui était fermé en province Kayanza depuis la fin du mois de janvier passé suite à la maladie de la fièvre aphteuse. Le représentant des éleveurs de Kayanza apprécie toutefois cette réouverture du marché du gros bétail et demande aux éleveurs de toujours observer les mesures barrières contre la propagation de la fièvre aphteuse chez leur bétail. Bienvenue à cette édition. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le président du Sénat burundais demande à l'État, via le ministère en charge de l'agriculture, de multiplier les usines de transformation des produits agricoles pour avoir des devises, mais aussi pour éviter les pertes que subissent les agriculteurs suite au manque de méthodes de conservation des récoltes, ce qui les pousse à écouler toutes leurs récoltes au marché. Il a tenu ses propos ce vendredi lors de cérémonies de clôture de la session parlementaire ordinaire de décembre 2024, n'est-ce pas, Gélane Vikid? Dans son discours de clôture de la session parlementaire ordinaire de décembre 2024, le président du Sénat, Emmanuel Sinzo Hagera, a demandé au gouvernement burundais, par l'intermédiaire du ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, de s'engager pleinement à augmenter le nombre d'usines de transformation des récoltes dans le but d'accroître les devises. Il a ajouté qu'il est très regrettable de constater qu'un cultivateur ayant investi considérablement dans ses champs et bénéficiant d'une récolte abondante se retrouve sans solution pour conserver ses récoltes et ainsi il est contraint d'écouler tout le surplus sur le marché par crainte de détérioration de ces mêmes récoltes. Dans son même ordre d'idées, le président du Sénat a invité les sénateurs qui commencent leurs vacances parlementaires de ne pas croiser les bras disant qu'ils sont en vacances, mais plutôt, étant donné la bonne récolte de la saison culturelle A, il les a appelés à sensibiliser les agriculteurs sur le fait de ne pas gaspiller les récoltes. En plus de cela, il a demandé aux sénateurs de se rendre dans leurs circonscriptions respectives pour sensibiliser la population à s'atteler aux travaux de développement, surtout ceux en rapport avec la saison culturelle B. Depuis Gitega, Jean Ibigira pour la radio Isanganiro. Merci à Jean Ibigira pour tous ces détails. L'Association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale, les ACEAC, dénonce les idéologies meurtrières véhiculées dans la région des Grands Lacs avec la crise de la RDC et trouve que des enquêtes devraient être menées en ce qui concerne les allégations des crimes déjà commis et notamment le génocide. Dans un communiqué du 26 février, sanctionnant une réunion tenue à Dar es Salaam, l'association exhorte les chefs d'État et de gouvernement de la communauté de l'Afrique de l'Est et de la communauté de développement de l'Afrique australe à mettre en œuvre les résolutions déjà adoptées en rapport avec la crise de la RDC. Le sommet conjoint tenu le 8 du mois de février à Dar es Salaam en Tanzanie a ordonné notamment la cessation des hostilités et un cessez-le-feu immédiat et la résolution pacifique des conflits par le biais des processus de Luanda et Nairobi. Suivez cet extrait du communiqué lu par Mgr Salvatore Niciterezze, évêque de diocèse de Bururi et vice-président de la conférence des évêques catholiques du Burundi. La sous-région est au bord de l'implosion au risque de créer une généralisation de foyers d'incendie meurtriers. Toute cette situation affecte des pans entiers des territoires avec une augmentation exponentielle de pertes de vies humaines, d'orphelins, de veufs et veuves, de déplacés et de réfugiés. Nous ne pouvons que condamner les événements qui causent ces atrocités ainsi que les idéologies qui embarrassent le chemin. Nous exhortons les chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, et de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, à mettre en œuvre les résolutions de leur sommet conjoint de Dar es Salaam. Nous accueillons dans la foi et l'espérance la désignation des animateurs des processus de Nairobi et de Luanda, désormais fusionnés. Nous leur assurons de notre disponibilité à apporter notre part de contribution à l'édifice de la paix dont nous sommes des protagonistes de par notre mission évangélique. À l'intention des pays, des organismes et des firmes multinationales, nous relayons les paroles du pape François lors de sa visite apostolique à Kinshasa en janvier-février 2023. Je cite « Retirez vos mains du Congo, retirez vos mains de l'Afrique ». Fin de citation. Notre région doit cesser d'être un lieu de convoitise et d'intérêts mondiaux qui s'entrechoquent et appauvrissent nos populations. Nous dénonçons les idéologies meurtrières véhiculées ici et là et nous en appelons à des enquêtes approfondies pour vérifier les allégations des crimes de génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité qui ont déjà endeuillé notre sous-région et rétablir toutes les victimes sans discrimination dans leurs droits et leur dignité. Isanganiro, la radio de l'avenir. Page coopération à présent, l'engagement de tout un chacun accompagné d'une organisation solide vont faciliter l'opérationnalisation de la stratégie nationale de coopération pour le développement du Burundi. Propos du ministre ayant la coopération dans ses attributions dans une retraite stratégique et de préparation du lancement des activités du comité conjoint de concertation avec les partenaires du gouvernement du Burundi ce vendredi. Albert Shingiro appelle ses partenaires à redessiner leur carte d'intervention suivant le nouveau découpage administratif du pays. Suivez-le. Nos réflexions ont été menées en relation avec la nouvelle loi communale en termes d'incidence dans la programmation des différents acteurs. Ces réflexions nous ont permis de passer en revue les différents outils et mécanismes de rapportage et de revue, ainsi que les cadres ou mécanismes de dialogue sectoriel et thématique conjoint déjà existants. À cet égard, nos interrogations ont porté entre autres sur la capacité de notre dispositif à répondre aux priorités du plan national de développement du Burundi révisé et sur la pertinence de nos groupes sectoriels tels qu'ils existent aujourd'hui. L'agenda de cette feuille de route, traduit en recommandation, mettra en avant la convocation dans les meilleurs délais de la première réunion du comité conjoint de concertation à cause du besoin urgent du renforcement des mécanismes de consultation prévus par la stratégie nationale de coopération au développement. Le caractère urgent du renforcement des mécanismes de concertation entre le gouvernement et ses partenaires s'exprime par le besoin de renforcer le rôle et la collaboration avec les entités provinciales et locales ainsi que le suivi des résultats de développement au niveau local en vue du renforcement de la coopération au développement, ce qu'on appelle coopération de proximité. Au chapitre des défis, ce que certains d'entre vous ont relevé nous interpelle tous. Néanmoins, l'enthousiasme et la détermination que vous avez fait montre aujourd'hui nous rappelle une chose essentielle. Rien n'est impossible lorsqu'on travaille ensemble, animé d'un esprit de confiance mutuelle et l'envie de réussir ensemble pour transformer positivement la vie de nos populations. C'était là le ministre burundais de la coopération. Cap sur le nord du pays pour parler commerce. La pénurie de la bière Soma Burundi dans la brasserie Burundi Brewery, sise à Vyegwa, province Ngozi, est due à l'insuffisance de la banane utilisée dans la fabrication de cette bière. À propos de Thomas Minani, directeur général de cette brasserie, lors du lancement officiel d'une nouvelle bière bourguignonne, solution est forcée ce vendredi. D'après ce directeur général, la solution à ce problème est la fabrication de nouveaux produits qui n'exigeaient pas de la banane. Tadenda Ishimi, représentant des commerçants des produits Braoudi Burundi Brewery, demande à cette brasserie plus d'efforts pour que les amateurs de ces boissons soit servi, il le dit au moment où cette province connaît aussi la pénurie des produits Braoudi, n'est-ce pas Apollinaire Muzakar? Comme l'indique le directeur général de la brasserie Burundi Brewery, la bière Soma Burundi a tari ces derniers mois à cause de la pénurie de la banane, une des matières utilisées dans la fabrication de ce produit. Thomas Minani parle de la période de non-récolte de la banane FIA 17 et FIA 25 utilisent. Il demande aux cultivateurs de ces variétés l'extension de leurs champs afin de produire plus cette bière sans sucre ajouté préféré par plus d'un. En attendant la production suffisante de Soma Burundi, la brasserie Burundi Brewery multiplie d'autres variétés. C'est notamment la bière Bujo et Forte, sortie officiellement ce vendredi, une bière avec un taux d'alcool de 6,5%. Le directeur général Thomas Minani promet de sortir aussi d'ici 3 mois une autre bière concurrentielle aux autres boissons comme le Skol et autres. La province Ngozi connaît aussi une pénurie d'Amster Long qui est vendue en cachette à 5 000 voire plus contre le prix officiel de 3 500 francs. Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isanganil. Ngozi, revenons sur Kayanza où le marché du gros bétail qui était fermé en cette province depuis la fin du mois de janvier passé suite à la maladie de la fièvre aphteuse a été rouvert cette semaine en cours. L'administrateur communal de Kayanza a fait savoir que cette fermeture du marché du bétail a occasionné une perte d'une somme d'argent estimée entre 20 et 24 millions qui devrait entrer dans les caisses communales par la collecte des taxes. Godefroy Nionidiguié apprécie toutefois cette rouverture du marché du gros bétail et demande aux éleveurs de toujours observer les mesures barrières contre la propagation de la fièvre aphteuse chez leur bétail. Les détails avec Patrick Saint-Guillaume. La maladie de la fièvre aphteuse qui attaque les vaches est apparue dans certaines provinces du pays le mois de janvier l'Ankoura et la province Kayanza n'a pas été épargnée aussi. Après avoir recueilli des informations auprès du bureau en charge de la protection de l'environnement agriculture et l'élevage qu'il y a dans la province Kayanza des vaches atteintes de la maladie, le gouverneur de la province Kayanza, colonel Rémi Chichayo, a adressé en date du 29 janvier l'Ankoura une correspondance aux administrateurs communaux, la correspondance dans laquelle cette autorité administrative et provinciale à Kayanza leur demandait d'interdire tout mouvement de la vache et de fermer tous les marchés du gros bétail. Depuis lors, le marché du gros bétail a été fermé dans toute la province de Kayanza et les consommateurs de la viande et de la vache se rabattaient à la viande et d'autres animaux. En date du 24 février l'an courant, colonel Rémi Chichayo, gouverneur de la province Kayanza, a adressé une autre correspondance aux administrateurs communaux que le marché du gros bétail est rouvert du fait que la fièvre aphteuse ne s'est pas propagée et que même les vaches qui ont été contaminées par la maladie ont été soignées et guéries. Contacté Godefroy Nionizigui, administrateur communal Kayanza, celui-ci nous a indiqué qu'avec la fermeture du marché de la vache, chaque semaine, la caisse communale a enregistré une perte d'une somme variant entre 5 et 6 millions des taxes qui sont collectées au marché du bétail de Kayanza quand il est fonctionnaire. Signalons que depuis l'apparition de la fièvre aphteuse à Kayanza, environ 39 vaches des 5 communes sur 9 qui composent la commune Kayanza ont été atteintes de la maladie. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiouva pour la radio Isangani. Voilà, c'est pareil. Ici que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Rico Imana pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Evariste Ndikomananga. Dans quelques instants, vous aurez droit à la revue de presse. Revue de la presse. Bonjour, bonsoir. Le passé menace de se répéter, alerte le journal Burundi Echo en une de sa parution cette semaine, évoquant ainsi en page intérieure le fait que l'Agence nationale de gestion du stock stratégique alimentaire est plein de grains de maïs, mais qu'ils sont chers au marché. Ce constat repris par Burundi Echo a été tiré par les députés lors d'une descente effectuée dans différentes provinces du pays pour évaluer l'état de la collecte des maïs et du riz fait par l'Anagesa en 2024. La situation se présente ainsi alors que la prochaine campagne de collecte de ces graines approche à grands pas. Paradoxalement, regrette cet hebdomadaire socio-économique, le prix d'un kilo de maïs se négocie entre 2400 et 2600 francs burundais sur différents marchés à Bujumbura. L'éditorialiste de cet hebdomadaire rapporte que certains critiques estiment que certains administratifs auraient investi dans l'agriculture du maïs et puisé de l'argent dans le trésor public pour acheter eux-mêmes la production. Burundi Echo se demande pourquoi ne pas investir une partie de l'argent utilisé pour la collecte dans l'industrie de transformation de ce produit afin de favoriser la consommation locale. L'éditorialiste de cet hebdomadaire socio-économique conclut qu'il est essentiel de valoriser les efforts du producteur, mais que le consommateur a également besoin de profiter de cette belle production. Net Press note qu'alors qu'il clôturait la session ordinaire de décembre, les sénateurs en fin de mandat ont demandé au gouvernement de multiplier des entreprises de production pour que le pays puisse avoir des devises. Le message a été livré au ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Environnement. Pour ces sénateurs, poursuit son quotidien en ligne, il est inacceptable qu'un paysan cultive et une production suffisante, mais qu'il fasse marcher sur place juste après par manque de méthode de conservation de sa production ou de lieu d'écoulement de ses produits. Le journal Iwachu va dans le même sens en faisant remarquer qu'alors que des milliers de Burundais peinent à se nourrir, surtout à Kirundo, avec une sécheresse persistante à Bugabira, plus de 45 000 tonnes de maïs stockées par l'Anagesa restent invendues. Pire, une partie de ces stocks fait face aux rats et aux autres parasites, notamment les stocks entreposés dans les usines d'Olizabu Amharambo, dans la province de Chibitoke et Aruyigi, selon le rapport présenté ce jeudi 27 février par la Commission de l'Assemblée nationale sur l'Anagesa. Le rapport souligne également que certaines installations de stockage ne sont pas adaptées à la conservation du maïs, compromettant ainsi sa qualité et sa commercialisation, note l'hebdomadaire Iwachu, qui constate une gestion critique et qui relance le débat sur l'intervention de l'État dans le commerce des denrées alimentaires. Toujours dans ce domaine, l'agence burundaise de presse souligne que la pénurie d'engrais chimiques est un problème majeur pour les agriculteurs. Dans une interview accordée lundi dernier à l'ABP, au chef-lieu de la commune Gasorwe en province Muyinga, au lendemain d'une distribution de l'engrais, l'agronome communal de Gasorwe, Leonidas Sindaigaya, a signalé qu'il existe plusieurs plaintes des agriculteurs du fait qu'ils ont reçu une quantité insuffisante et qu'une mesure de partage équitable a été mise en place pour permettre à chacun de bénéficier ne fût-ce qu'un sac d'engrais. Son confrère rapporte que les agriculteurs rencontrés sur place se disent aussi inquiets au moment où des sacs d'engrais fourmis sont vendus sur le marché à des prix exorbitants, une pratique frauduleuse, selon cet agronome communal dans les colonnes de l'ABP. On termine cette revue de presse par cette remarque d'un blogueur du collectif Yaga qui trouve que quand l'immigration devient un luxe, l'équité disparaît. Allusion faite à l'introduction par les États-Unis de la Gold Card, une résidence permanente offerte à ceux qui investissent 5 millions de dollars dans leur économie. Pour les Burundais et bien d'autres, ce sésame équivaut à une porte fermée à double tour. Et si à notre tour, nous exigions 5 millions de dollars pour s'établir au Burundi, qui viendrait vivre au pays de lait et de miel ? S'interroge ce blogueur. Ainsi se referme cette revue de presse préparée et présentée par Jean Bosco Nduimana. Restez branchés sur les ondes de Radio Isanganiro. Revue de la presse.